بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتعلق بتصرفات الحزبيين والمتعصبين. Pour pouvoir lire ensemble, inshallah, une fatwa de Cheikh al-Islam, une partie d'une fatwa, car elle est très longue. Mais j'ai pris le shahid, la partie qui nous intéressait, qui nous concerne. Une fatwa dans laquelle il démontre certains comportements liés à la hizbiya et au fanatisme. Quand on dit hizbiya, c'est esprit de parti. Abu Taymiya, Khalil al-Mutaniki, hafidhahullah ta'ala. Inna alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم وكذلك نفصل الايات تستبين سبيل المجرمين سوره الانعام الرسول صلى الله عليه وسلم c'est comme cela que nous détaillons les versets afin que s'éclaircisse la voie des criminels les gens du faux. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. يعني قرأ الآية من جديد قرأ الآية كذلك نفصل الآية تستبين سبيل المجرمين أي الموصلة إلى سخط الله وعذابه فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها بخلاف ما لو كان مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. انتهى من كلامي. Donc l'imam al-Sa'adi, rahimahullah ta'ala, il dit en tafsir de ce verset que Allah dit qu'en fait ces versets-là, nous les éclaircissons afin de pouvoir distinguer entre la voie de la guidée et de celle de l'égarement, celle de la droiture et celle des distorsions, afin que les gens de la guidée puissent se guider et afin de pouvoir éclaircir la vérité. La vérité qui nous revient de suivre. Puis, il cite à nouveau le verset. Et c'est comme cela que nous détaillons le verset afin que s'éclaircisse la voie des criminels. C'est-à-dire cette voie qui emmène à la colère d'Allah et à son châtiment. Car le chemin des criminels, si une âme n'est pas éclairée, ni aperçue, ou plutôt si jamais il est dévoilé, et démontré, alors il est possible de l'éviter et de s'en éloigner. Contrairement, alors si jamais il reste confus et embrumé, alors là, ce noble but ne peut être accompli, c'est-à-dire le fait de l'éviter. يعني مبنيا على هذه الآية أحب أن أقرأ معكم فتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتعلق ب تصرفات الحزبيين والمتعصبين. يعني pour pouvoir lire ensemble inshallah une fatwa de Cheikh al-Islam, une partie d'une fatwa car elle est très longue. Mais j'ai pris le shahid, la partie qui nous intéressait, qui nous concerne. Une fatwa dans laquelle il démontre certains comportements liés à la hizbiya et au fanatisme. Quand on dit hizbiya, c'est esprit de parti. Souvent traduit par sectarisme par les gens en français. Donc dans cette fatwa, Inch'Allah, il démontre les attitudes qui, elles, sont liées justement à cet esprit de parti, cet esprit de clan qui est dénué de toute équité, qui n'est pas basé sur l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pour, en même temps, en guise de nasiha, la siyama fi hadhihi al-ayyam في هذه الأوضاع في هذه الفتنة في concernant actuellement dans la situation actuelle en ces jours-ci concernant la fitna par exemple qui serait liée au Yémen, à notre cheikh, à ses toulab, à ses da'wah, que les gens arrivent un petit peu à comprendre comment se trament certaines choses et quelles attitudes ont été adoptées par certaines personnes, afin de ne pas tomber dedans et de pouvoir comprendre l'erreur qui s'y trouve, justement. Et c'est général. Ça peut être pour ça ou pour autre chose. Car ces comportements-là, on le trouve chez toute personne qui n'a pas d'équité et qui ne s'allie pas pour Allah ni pour son messager, mais qui s'allie pour d'autres intérêts qu'il aura en lui, mondains ou autres. Naam. Donc il fut interrogé, cheikh al-Islam, une longue question. Mais le khurasa de la question, du moins le shahid de la question, c'est que un élève a appris d'un enseignant et par la suite veut apprendre d'un autre enseignant. Donc de là, cet enseignant, le premier, s'en prend au deuxième et interdit à son élève d'aller chez le deuxième. Et également, si jamais il s'avère que cet élève lui désobéisse, il en subira des conséquences de la part de ce premier professeur. Tout comme il ne convient pas au deuxième professeur d'attirer l'élève vers lui, au détriment du premier professeur, de faire en sorte de pouvoir soutirer l'élève vers lui. D'accord ? Donc dans ce moment-là, quelle attitude adopter ? Celle du professeur du premier, celle du deuxième et celle de l'élève. Hadha wa khurasat de la question. Donc il dit, on va aller inshallah en deux parties. Biznillah ta'ala en deux parties. Car la fatwa, la partie de la fatwa est très longue. Que j'ai pris moi, elle est basée sur trois feuilles. Et on fait inshallah nis, moitié. Faqala rahimahu ta'ala. وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى وعلى المعلم أن ينصح المتعلم ويجتهد في تعليمه وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا يجهد حقه ولا ينكر معروفه. Il y avait un kalem avant, mais Inch'Allah, Shahid, il commence là. Qu'il dit qu'il revient à l'enseignant, ou plutôt à l'élève, d'avoir une bonne intention lorsqu'il fait cela. C'est-à-dire, il est chez un enseignant, il va aller chez un autre. Quand il fait ça, son but, c'est d'avoir une bonne niya et de pouvoir profiter. Pas de faire une division. Donc il vise par cela le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il revient également à l'enseignant, lui, de conseiller l'étudiant et de s'efforcer à lui enseigner. Et de là, l'étudiant doit connaître le rang et le statut de son professeur. C'est-à-dire ce qui lui revient de droit et ce qu'il n'a pas à recevoir de la part de l'étudiant. Et qui doit remercier sa bienfaisance envers lui. Car celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne doit pas non plus renier son droit, ni être ingrat envers lui. ثم قال وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو Donc là il dit que les enseignants doivent s'entraider dans la piété et l'obéissance, comme l'a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, que le musulman est le frère du musulman, ni il ne le livre ni il ne le laisse dans ses droits. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam que l'exemple des croyants dans leur amour et affection est à l'exemple d'un corps uni. Que si jamais une partie de ce corps se plaint d'une douleur ou autre, alors c'est tout le corps qui le ressent et qui veille. Par exemple, demain tu as mal quelque part, une douleur par exemple au pied, une forte douleur, cette douleur-là, empêchera, t'empêchera de trouver le sommeil. Donc c'est tout ton corps qui va subir les conséquences. Même si tu as mal aux pieds, tout cela se ressentira dans le reste du corps. Et cela t'empêchera de dormir. Et comme cette douleur-là également peut provoquer de la fièvre. Une douleur à un endroit particulier du corps peut provoquer de la fièvre qui, elle, se ressentira dans tout le corps. Donc le croyant est un exemple de cela. Naam. ثم قال وقوله أو قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا وشبك بين أصابعه فقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وكله وهذا كله في الصحيح. Donc également parmi les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est juré par celui dont son âme est entre ses mains, que aucun d'entre vous ne croira, c'est-à-dire une croyance parfaite, complète, al-iman kamil, tant qu'il n'aimera pas pour son frère le bien, comme il l'aime pour lui-même. Comme il l'aime pour lui-même. Et sa parole où il dit que le croyant vers le croyant est l'exemple d'un édifice, une construction, qui se renforce les uns les autres. Et ensuite, il croisa entre ses doigts. À l'exemple, comme une maison construite avec des briques, tu mets une brique sur l'autre pour aider à faire un mur. Du moins, pour arriver à faire un mur. Tout cela se renforce. La brique a besoin d'une autre brique pour pouvoir faire un mur solide. Donc là, il a donné l'exemple du croyant. Et là, on verra que parmi l'usloub, al-Qur'ani ou al-Nabawi, le fait de donner des exemples. Alamin, ajli, t'akrib al-afham, pour que les gens comprennent. Tu prends l'exemple d'une chose, une chose, en guise de comparaison, pour que la personne elle comprenne. Cela fait partie de la voie prophétique et de la révélation. Également, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne vous jalousez pas, ne rompez pas les liens, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, soyez des serviteurs d'Allah en tant que frère. Vous voyez, soyez des serviteurs d'Allah. Les serviteurs d'Allah en tant que frère. Al-Ukhuwa, la fraternité. Et tous les hadiths cités là sont dans le Sahih, ay Muslim ou Bukhari. Car souvent, quand des fois tu donnes des hadiths et tu ne te rappelles plus du takhrij, man akhrajahu, sur le coup, tu ne sais plus si c'est Bukhari ou Muslim ou c'est les deux, tu dis c'est Sahih. Parce que des fois ça arrive sur un hadith, tu as oublié, man akhraja. Tu ne te rappelles pas ce moment. Donc là-bas, tu dis fils sahih, pour dire c'est dans l'un des deux. Un chien que celui qui t'écoute sache que le hadith, il est sahih. Yani qui vient des sahihain, je veux dire. Qui vient des deux authentiques. Thumma qala ba'da hadha. Wa fi sunani, anhu sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, ala unabbi'ukum bi afdal min darajati al-salat, min darajati al-salat, al-salati wa siyam, wa sadaqati wa al-amr bil ma'aluf wa nahi anil munkar. قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل يوم الاثنين كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل عابد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيلهما الذي يبدأ بالسلام. Donc ensuite dans les sunan, on précise que là ce n'est pas dans le sahihain que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous informerai-je pas donc de ce qui est meilleur que les degrés de votre salat ou du jeûne ou de l'aumône et de l'ordonnance du convenable et de la prohibition du blâmable. Il dit si au message d'Allah. Il dit le fait de faire attention, de réformer, de faire attention à l'animosité. Car la corruption que sème l'animosité, al-haliqa là-bas, c'est le fait de couper, de raser. C'est elle coupe, elle rompt. Et après il dit, comme en arabe, parce que c'est le même verbe, en français c'est pas le même, je ne vous dis pas qu'elle coupe les cheveux, dans le sens qu'elle rase la tête. Al-haliqa là-bas, c'est une chose, al-loratan, pour dire que ça te rase. Tahliq ra'sak, tu te rases la tête, ou tu te coupes les cheveux. Donc il dit, c'est pas ça que je vise comme mot. Lui il dit, moi je vise par là qu'elle coupe la religion. En fait, c'est une métaphore qu'il fait. Pour dire que cette animosité amène à couper la religion. Et dans l'authentique, qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et les jeudis. Et qu'il est pardonné à tout serviteur qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Hormis un homme, ou plutôt deux personnes qui auraient entre eux un conflit quelconque. D'accord ? Donc ces deux-là, on ne leur pardonne pas. Il dit, alors regardez, ces deux personnes-là, attendez, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Mais là, il parle également de l'expression du hadith, c'est un conflit, un truc de dunya, un truc qui est tawfi, c'est pas une chose qui est importante. C'est une chose qui ne mérite pas, justement, la shahana, la rupture, et le conflit. Parce que des fois, elle est obligée de le faire. Donc là, ça concerne deux personnes qui sont en litige pour des choses qui ne méritent pas, qui n'en valent pas la peine. Donc ces deux personnes-là, ils n'ont pas le pardon tant qu'ils ne se réconcilient pas. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'est pas permis aux musulmans de faire le hajj, c'est-à-dire de boycotter son frère, plus de trois jours. Que s'ils se rencontrent, que celui-là ne parle pas à celui-là, donc le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Là, le hajr qui est cité, c'est un hajr pour une chose de dunya, pas pour le din. Din, ça peut être même toute ta vie tu fais le hajr. Là, par exemple, il t'est arrivé un désaccord avec un frère, ça a amené à une colère, mais c'est une chose qui ne touche pas à la religion. D'accord ? Une chose personnelle, une chose de dunya, qui ne touche pas à la religion en soi. Pendant trois jours, si tu veux, tu as le droit de ne pas lui parler. Tu passes par salam. Le temps que, on va dire, t'installer une fausse. D'accord ? Que les âmes, il y en a, ça pèse. Car au début, c'est dur, un petit peu. Quand tu as une dispute avec quelqu'un, c'est dur de lui parler au début. Le temps que ça passe, pendant trois jours, tu as le droit de ne pas lui parler. Après, au bout de trois jours, c'est fini. Et c'est-à-dire que le meilleur des deux, c'est celui qui passe salam. Et de là, c'est vrai qu'on remarque souvent lorsqu'on a des problèmes personnels avec des gens, au bout d'un moment, quand au début c'est Shaitan qui travaille la chose qui l'a grossi, au bout de quelques jours, tu vois que tu es apaisé, tu arrives à parler. Au début, tu peux pas. La personne, tu peux même pas la regarder en face. Tu dis, je veux même pas le voir. Un tel. Et au bout de quelques jours, là, ça apaise. Là, tu vas le voir. Tu commences par le salam. Et là, tu cherches conciliation. Ce qui s'est passé. Règle le problème. De façon calme. Parce que sur le moment, sur la colère, il se peut que tu dépasses les limites. Tu t'énerves. Et tu fasses preuve d'un mauvais comportement, ce qui provoque l'autre, lui aussi mauvais comportement, et après ça arrive à ce que la situation, vous voyez, s'amplifie, malheureusement. Donc le meilleur des deux, c'est celui qui commence par passer le salam. Celui qui arrive à combattre son nefs en premier. Passer le salam en soi n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de le rendre. Passer le salam, c'est mustahab et une cause d'amour entre les musulmans. ثم قال رحمه الله تعالى وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر لا يشاهد طابع الكستو وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق فإن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعد حد ولا تضييع حق بل لأجل هوى فإن هذا من الظلم الذي حرمه الله ورسوله فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على النفس وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Donc là il vient par rapport à la question qui ne revient pas à un enseignant de s'en prendre à un autre ni de l'offenser du fait que son élève soit parti de chez lui pour aller faire un autre, d'accord, et d'autres raisons qui vont arriver par la suite, qui ne l'a pas droit de l'offenser ni par les paroles ni par les actes, sans droit car Allah Ta'ala, dans le sens il dit que ceux qui s'en prennent aux croyants et aux croyantes sans qu'ils ne les méritaient, ils ont certes commis un grand péché. D'accord ? Le fait de s'en prendre à un croyant sans droit, c'est un grand péché. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Al buhtan. C'est quoi un buhtan ? Un buhtan, c'est une accusation sans preuve. Un buhtan, c'est le fait d'imputer sur une personne sans qu'elle ne le mérite. Tu mens sur lui, c'est un mensonge sur lui, mais c'est un mensonge particulier qui est lié au fait d'accuser quelqu'un, de dire de quelqu'un ce qui n'est pas en lui. Hada wal buhtan. Par exemple, dire que Allah il a un fils, hada buhtanun azim. Mathalan. L'iftira, c'est une chose forgée que tu as inventée. Ou le kadhib, c'est une information qui ne coordonne pas avec la réalité. Dès que les trois ont un sens proche, car un bourtel c'est un kadhib. Et un iftira c'est un kadhib. Tous c'est des mensonges, mais chacun ils ont des spécificités. Il y en a un, c'est lié à l'accusation d'une personne. Masalat akul, Fulan kale anani fa'atu kaza, un bourtel azim. Un tel dit que j'ai fait telle chose. C'est quoi ce mensonge sur moi? Après, l'iftira, peut-être, dans ce cas-là, et dans un autre cas, le fait que tu dises, hier il s'est passé telle chose. T'as inventé une chose. Par exemple, tu dis hier, un tel, hier, il a plu. Alors qu'il n'a pas plu. C'est pas un bourtan à ce moment-là. Là, c'est un iftira et un kazib. À la base, tout c'est du kazib. Mais le kazib, il peut être involontaire. En langue arabe. L'iftira, c'est inventer une chose qui n'a pas d'origine. T'as avec une histoire, un conte, on ne sait pas de l'autre sens. Et ça, ça peut être sur quelqu'un. Tu dis par exemple, toi hier, t'as fait telle chose. C'est un iftira, il n'a jamais fait ça. Et c'est un bourtan également. Et le kazib, c'est le fait de dire une information qui ne correspond pas avec la réalité. Et ça, ça peut arriver même involontairement en arabe. Un kazib, c'est pas forcément comme en français un mensonge volontaire. Par exemple, quelqu'un est arrivé, il a dit, un tel a fait telle chose, en pensant qu'il l'a fait. Tu dis, un kazib, ma fa'al wa la shay. Aslan ma kana mawjoudan. Dis, c'est un mensonge, j'étais même pas là le frère. Comment peux-tu faire telle chose? Mais la personne en disant ça, peut-être elle n'a pas fait exprès. Elle a cru, ou elle a confondu entre un frère et un autre. Mais ça s'appelle un kazib, quand même en arabe. C'est pas un kazib. Même si t'as pas fait exprès, c'est pas un kazib. Mais quelqu'un qui rapporte beaucoup de choses, même s'il ne compte pas mentir, il croit ce qu'il dit, mais il rapporte tout le temps, c'est des choses, elles sont pas vraies, c'est un kazib. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i kaziban an yuhdith bi kulli ma sami'a. Qu'il suffit à la personne d'être un menteur pour raconter tout ce qu'elle entend. Donc même tu dis des choses vraies, tu n'as pas raconté tout ce que tu racontes, tu répètes, tu colportes, tu n'as pas parlé de tout ce que tu entends, on va dire que tu es un menteur toi, on ne prend pas ton khabar. Donc faire attention. Alors que dire si en plus de ça, ce que tu dis à chaque fois c'est faux? Ah mais des fois des choses que tu entends, tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu entends, tout ce qui se dit, tout ce qui colporte, le kiwakol, même si c'est vrai. Les paroles elles n'ont pas de faïda, donc il n'y a pas à le faire. Et celui qui tout le temps, il a une information, il propage, sans même qu'il y ait besoin, il y a le haja, on dit, toi, fais attention à toi. Ça tue, ça tape dans ta adala, dans ton côté de justesse, après, par rapport aux informations, au comportement qu'on peut avoir avec toi. Donc, compris entre la différence entre le bourtain, l'iftira ou le kazib. Non. Mais ils ont un. Les trois, c'est du kazib. Et des fois, tu peux en trouver deux qui se lient sur une même chose. Tu peux dire bourtain et iftira pour la même chose. Tu peux dire iftira et kazib pour la même chose. Et kazib et bourtan pour la même chose, ça dépend. Non. Donc après il dit, le shir, Ibn Taymiyyah, qui ne revient à personne de châtier quelqu'un d'autre pour autre qu'une injustice ou un outrepassement des limites. Que quelqu'un outrepasse les limites de la législation, il n'est pas permis de le punir. S'il a fait une chose qui mérite une sentence comme en islam, tu lui appliques. Ce n'est pas le cas, tu n'as pas à lui appliquer. Ou également qu'il aurait pas rendu un haq. Il y a un haq qu'il devait rendre, il n'a pas rendu. Si ce haq qu'il n'a pas rendu ne mérite pas telle sanction, tu n'as pas à lui faire ce bien, la sanction. Encore pire, il dit si jamais tu fais subir cette sanction-là par passion. Car cela fait partie justement de l'injustice que Allah SWT a interdit et son messager. Et que Allah, dans le hadith Qudsi, il a dit quoi ? Oh mes serviteurs, je me suis certes interdit l'injustice à moi-même, alors, et je l'ai rendu entre vous interdite. Alors, ne soyez pas injustes les uns vers les autres. Donc le fait de faire le hajj à quelqu'un sans droit, sans preuve, sans qu'il ne le méritait, tu rentres là-dedans. C'est ça que le shay veut dire. Le fait que tu boycottes quelqu'un alors qu'il ne mérite pas, tu rentres là-dedans. Le fait que tu infliges une sanction à quelqu'un alors qu'il ne mérite pas, tu rentres là-dedans. Naam. Comme le ferait un professeur, comme il veut le citer, qui n'aimerait pas que son élève parte ailleurs. Après, il veut lui faire subir une sanction. Ou à lui, à l'enseignant, à l'étudiant qui veut partir, ou à l'enseignant qui veut l'accueillir. ثم قال فإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين ليك أستاذين أن يعاقبه بما يشاء وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك مثل أن يأمر بحجر شخص فيحجره بغير ذنب شرعي أو يقول أقعدته وأحضرته ونحو ذلك فإن هذا من جنس ما يفعله القساقصة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود ومن جنس ما يفعله أئمة الضلال والغواية مع أتباعهم. Donc il dit si une personne venait à commettre un crime alors qu'il n'est pas permis de le châtier par autre que la sanction légiférée qu'il mérite. D'accord ? Par exemple, quelqu'un il a fait une chose comme il a volé la somme dépassée du lieu interdit, on lui coupe la main par exemple. Ben, c'est pas tu viens, tu coupes jusqu'à l'avant-bras. Tu coupes à la limite de qui était définie. Tu rajoutes pas. D'accord ? Tu rajoutes pas. Quelqu'un par exemple, il mérite une sentence avec des coups de fouet pour le zina ou autre, tu ne rajoutes pas de coups de fouet en plus que ce qui était prescrit pour lui. Du fait qu'il aurait fait une chose qui ne t'a pas plu. Par exemple. Donc il n'est pas permis d'appliquer une sanction à quelqu'un pour une chose qu'il ne mérite pas. Comme l'a expliqué. Et il n'est permis à personne, yani, ni à l'enseignant, ni à l'étudiant, de sévir comme il le veut. D'accord ? Il n'a pas le droit de sévir comme lui il le veut, comme lui il l'entend. Et il ne revient à personne d'aider cette personne-là dans la sanction qu'elle fait subir. Et ni d'être d'accord avec lui. Tu ne dois ni l'aider, ni le cautionner en ce qu'il fait. Comme par exemple, quelqu'un qui t'ordonne de faire le hajj à quelqu'un sans droit. Tu n'as pas à obéir. هذا احجره. تقول لماذا؟ أنا أقول لك احجره. ما أحبه. Lui tu fais le hajj, pourquoi je ne l'aime pas? Il dit, tu ne l'aimes pas, moi je l'aime. Maintenant, pour que je ne l'aime pas, il faut que je donne une raison pour que je ne l'aime pas. Et même si je ne l'aime pas, le fait de ne pas l'aimer n'amène pas forcément un hajj. Le hajj, ce n'est pas forcément de ne pas aimer que tu le fais. C'est, il y a des raisons pour ne pas le faire. Il y a des gens qui ne les aiment pas, il ne faut pas le hajj. Ou bien il y a des frères entre eux qui ne s'aiment pas forcément, pas pour autant qu'ils vont faire le hajj. Il n'y a pas de bidaï, rien, mais personnellement, lui dit, un tel, son caractère, il ne me convient pas. Et un tel, sa personnalité ne me convient pas, donc je ne l'aime pas spécialement. Mais je ne fais pas le hajj pour autant. Car il n'arrive pas à ce stade-là. Il n'y a pas de conflit. Le frère n'a pas de bid'a et n'a pas de fisc apparent qui font que j'ai à lui faire le hajj. Donc il n'est pas permis de faire le hajj sans péché, qui le mérite. Or de dire, là par contre le chien a dit des paroles, j'ai pas compris. Aqa'atuhu wa ahdartuhu. Aqa'ada à la base, c'est le sens apparent, c'est le fait de faire asseoir quelqu'un. Et ahdartuhu, c'est le fait de l'arrêter. C'est comme si vous voulez dire en fait, c'est ce que j'ai compris, Allah Alam. Par exemple, c'est comme si demain tu as une fonction qui est liée à moi, je t'empêche de la faire. D'accord ? Je te bloque. Parce que je t'empêche de faire ce que tu dois faire. Par exemple, tu es un professeur, t'arrêtes d'enseigner, t'enseignes plus. Par exemple. Il a dit ça, c'est ce que faisaient justement les prêtres et les moines avec les chrétiens auparavant. Par exemple, les têtes religieuses donnaient l'ordre, un tel, on le met à l'écart, on le boycotte, on le met en quarantaine. Il était mis en quarantaine tout de suite. Personne ne lui parlait. Pourquoi ? Allah Alam, pourquoi ? Mais pour des raisons qui n'étaient pas valables. Mais comme on obéissait au, comment dire, à la grande tête, on mettait de côté tout de suite. Boycott. Le pape, par exemple, un tel, tu ne lui parles plus, face. Tout de suite. Il n'était plus prêtre, son église, elle était prise sur lui et il était mis en quarantaine. Personne ne lui parle. Mis à part. Isolé. Et également, comme faisaient les Hazzaboun, c'est les gens. Il y a un très sectaire des Yahoud. Hazzab al-Wasa'al. C'est une personne qui a un esprit de sectarisme. Il y a un très étroit. Très étroit. Et ça, c'est plus chez les Yahoud, il disait. Ou également, comme faisaient, ou comme font plutôt, les imams de l'égarement. Avec leurs suiveurs. Quand tu as un imam de l'égarement, et que ton suiveur ne te suit pas dans ce que tu veux, il le boycotte. Il le met à l'écart, il le met à quarantaine, il l'isole. Et ils ordonnent aux gens de faire pareil. Lui, vous ne lui parlez plus. Et les gens obéissent. Et bien ça, cette obéissance-là, tu n'as pas le droit de la faire. Tant qu'on ne te donne pas une raison, voilà, pourquoi dois-je faire cela ? Pas parce qu'un tel l'a dit, le chef religieux l'a dit, ou le alim foulani l'a dit, le savant un tel l'a dit, ou le cheikh l'a dit. Il a dit, qu'est-ce que cette personne-là, elle a fait ? Explique-moi, si elle met ce qu'elle a fait, c'est valable, je t'écoute. Si elle n'a pas fait, je ne t'écoute pas, aussi grand sois-tu. Aussi connu sois-tu, aussi savant sois-tu. D'accord ? Ça, c'est un droit qui ne te revient pas à toi. Là, ça revient à la législation. Thumma qal, wa qad qala as-siddiq alladhi wa khalifat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ummatihi ati'uni ma ata'tu Allah fa in asaytu Allah fala ta'ata 'alaykum fala ta'ata li 'alaykum. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. Donc là après il rapporte une parole de Siddiq qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui le dit, un frère connu de lui qui dit, obéissez-moi tant que j'obéis à Allah, si je n'obéis plus à Allah alors je n'ai plus d'autorité sur vous. Et des khawarij se servent de ce athar pour sortir contre le gouverneur. Ce athar là il a été mal interprété par beaucoup de gens. On dit déjà d'une part à ces gens-là, c'est une parenthèse, pourquoi prends-tu un affaire de Abu Bakr alors que tu as plein de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disent le contraire, que le gouverneur, tu l'obéis. Et si jamais, par contre, il t'appelle à désobéir, tu ne l'obéis pas, mais tu ne te sens pas contre lui. Parce que ton sert de ça pour dire, khalas, le gouverneur, on le destitue. Et Abu Bakr s'est dit que c'est quelqu'un, il a dit ça pour lui-même, si moi je n'obéis plus à Allah, alors destituez-moi, vous avez le droit de le faire. Ça, c'est une chose que lui, il a plein de gens de faire. Aujourd'hui, un gouverneur ne te dit pas de le faire, tu n'as pas à le faire. Abu Bakr, c'était parmi Atqiyan Nas. Bel Atqan Nas Bardan Nabi, le plus pieux des hommes, après les prophètes, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme dit Charles Faymin, il dit, les gens aujourd'hui, ils veulent avoir, ils sont baignés, noyés dans les péchés, dans les transgressions, dans l'ignorance, dans l'injustice envers eux-mêmes, et ils osent réclamer d'avoir des gouverneurs comme les quatre califes. Tu veux un gouverneur comme ça, mais toi, tu n'es pas comme les gens qui gouvernaient à leur époque. Il y a un affaire de Ali qui est venu comme ça, je ne sais pas si c'est authentique. Quelqu'un est venu le voir pour lui dire qu'il était injuste, qu'il ne gouvernait pas comme il fallait. Ali dit, tu n'es pas comme Abu Bakr et Omar et cela. Il dit, quand Abu Bakr et Omar étaient califes, c'est des gens comme moi qui étaient les gouvernés, sous leur gouverne. Mais maintenant que je suis gouverneur, c'est des gens comme toi qui sont le gouverne. Donc tu es le genre de gouverneur que tu mérites. Si moi je suis pas bien, c'est toi aussi t'es pas bien aussi à la base. C'est ça le but de sa réponse. Mais le affar, je sais pas si c'est authentique, en tout cas le marna est sahih. Le marna est sahih. Donc il dit qu'il n'est pas, que le prophète, après c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et que celui qui vous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'obéissez pas. Donc ça revient à ça ce qu'on disait. Si quelqu'un t'appelle à faire une chose qui à la base mérite une preuve, un dalil clair, sans quoi tu tombes dans la transgression, tu n'as pas l'obéir. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بحجر شخص أو بإحذاره أو إسقاطه أو إبعاده ونحو ذلك نذر فيه فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره وليس للمتعلم أو المعلم لفن وليس للمعلمين أن يحذب الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc il dit maintenant si l'enseignant ordonne de faire le hajr à une personne ou de le mettre en quarantaine ou de le destituer de ses fonctions ou de le faire tomber ou de l'éloigner, il faut regarder d'abord la raison. On analyse la raison avec attention. Pourquoi ? Pourquoi dois-je faire cela ? Et si jamais cette personne-là qui est censée être boycottée a commis un péché, alors ce péché-là, on met la sanction qu'il mérite, sans ajout. D'accord ? Sans ajout. Et si jamais que ce péché ne met pas de sanction, alors on n'a pas le droit d'en inventer une. On n'a pas le droit d'en inventer une. Et encore moins de faire cela, de sévir avec la personne, en guise, yani, pour pouvoir servir les intérêts du professeur. Car le professeur t'appelle à faire cela par intérêt. Il a un intérêt derrière. La personne qui t'appelle à délaisser, telle personne, il t'ordonne de faire le hajj à telle personne, de délaisser, il a un intérêt derrière. Son intérêt, c'est pas Allah et son messager, il a un intérêt derrière. Ou de la vengeance, ou de la rancune, ou esprit de supériorité, ou je ne sais quoi, en tout cas, son intérêt, tu n'as pas le droit de le servir. Également, il ne revient pas au professeur de sectariser les gens, de les rassembler, d'accord, et de les enfermer autour de lui, afin qu'ils fassent ce que lui il veut. Et afin qu'il soit, que ces gens-là servent justement à allumer cette animosité qu'il a envers une autre personne. Mais plutôt, ces gens-là doivent être comme des frères qui s'entraident dans la piété et l'obéissance. Comme l'a dit Allah SWT dans le sens où il dit « Et entraînez-vous dans la piété et l'obéissance et ne vous entraînez pas dans le péché. »« Thumma qal, akhil faqra, min al-yom » وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده ولا موالاة من يواليه ومعادة من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا ومواليا ومن خالفهم عدوا وباغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره وإن كان ظالما لم يعاونه على ظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله أنصروا مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه انتهى المراد. Donc il dit également il ne revient à personne de prendre un pacte, un accord avec quelqu'un pour être en concordance avec lui dans tout ce qu'il veut. C'est-à-dire tu dis un tel, j'ai conclu le pacte, tout ce qu'il veut je le fais, ce qu'il attend de moi je le fais. Et ni de s'allier pour lui et de se désavouer pour lui. C'est-à-dire que quelqu'un te dit un tel, je ne l'aime pas, donc tu ne dois pas l'aimer. D'accord. Un tel, je l'aime, donc tu dois l'aimer. D'accord. Ça, c'est pas permis. Et également, de te forcer en vouloir à quelqu'un qui ne l'aime pas lui. Par exemple, moi, Foulaine ne m'aime pas. Par exemple, il y a un truc entre moi et Foulaine. Eh bien, moi, je t'ordonne de t'en prendre à lui. comme ils disent chez les koufars, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et d'autres disent, l'ami de mon ami est mon ami. Quoi qu'il ait fait. La règle. C'est ça qu'il appelle. C'est pas permis de le faire sans regarder la cause. Il dit que même cette façon de faire, c'est la façon de le faire de. Là, il a dit un nom, c'est Jeanne Kizran, qui était, je sais pas c'est quoi l'équivalent phonétique en français ou en anglais. C'était l'un des rois des Tatars. Qu'il. Tu connais ? Il dit Jeanne Kizran. Genghis Khan. Ouais, sûrement, peut-être, ouais, c'est ça, ouais, ça ressemble en tout cas. Genghis Khan, l'âme. Donc, comme il faisait lui à son époque, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient d'accord avec eux étaient leurs amis. Et tous ceux qui s'opposaient à eux, qui ne les suivaient pas, étaient leurs ennemis. Donc, il dit, il est obligatoire à la personne qui fait cela et à ceux qui le suivent d'être en accord avec ce que Allah et son messager ont ordonné. D'obéir à Allah et à son messager. Et de faire ce que Allah et son messager ont ordonné. Et d'interdire ce que Allah et son messager ont interdit. Et de rendre le droit à l'enseignant ou à l'étudiant comme Allah et son messager l'ont ordonné. Et si jamais le professeur d'une personne était lésé dans un droit, tu dois le secourir. Dans l'injustice qu'il subit, tu dois l'épauler. Tu dois le secourir. Quitte à être tout seul contre les gens, celui qui est mazloum, qui subit une injustice, et tu le sais, tu dois le secourir. En mesure de tes capacités, bien entendu. Et si jamais cette personne-là, c'est lui l'injuste, alors tu dois l'empêcher d'accomplir son injustice. Tu dois l'en empêcher. D'accord ? Tu n'as pas le droit de l'épauler et de l'aider. Comme cela est venu dans le hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, secours ton frère, qu'il soit injuste ou lésé. Ils ont dit, ô messager d'Allah, je sauve non, l'opprimé. Mais comment est-ce que je sauve l'injuste? Il dit, tu l'empêches d'accomplir son injustice. Tu ne cautionnes pas. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. De ce qu'on a compris aujourd'hui, qu'il n'est pas permis de s'allier à quelqu'un, de lui obéir, d'aimer pour lui, de détester pour lui, sans droit. Si on t'appelle à cela, tu dois regarder pourquoi. S'il y a des preuves, tu agis. S'il n'y a pas de preuves, tu délaisses. Et même, tu délaisses et tu tentes d'empêcher à ce que cette injustice ne se fasse, ne s'accomplisse. Et ça, ça rentre dans la hizbi, hein, tout ça. La hizbi, si tu as compris ça, tu comprends sur quoi ils marchent. D'accord ? Si tu es avec eux, ils vont t'aider. Pas pour Allah, du fait que tu es avec eux. Même si tu fais du mal, ils vont se taire ton mal. Pourquoi ? Pour pas que tu te sépares d'eux. Si jamais tu es contre eux, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils veulent, même s'ils ont tort, toi tu ne veux pas les suivre, ils vont être contre toi aussi. Donc ce n'est pas toute personne qui te sourit et qui t'aide qui forcément te veut du bien. Car des gens veulent des fois t'acheter, ou veulent t'attirer vers eux, ou veulent. Et donc ils empruntent des façons de faire pour te prendre dans leur rang. Et une fois que tu es dans leur rang, ils t'imposent ce ménage-là. Une fois que tu... On va dire, tu t'es mis à les aimer, ont tellement ils t'ont aidé que tu n'oses même plus te séparer d'eux, ils te prennent et te forcent à faire ce qu'ils veulent. Un tel tu l'aimes, un tel tu ne l'aimes pas. Sans preuve. Sans preuve. Naam. Ben Inch'Allah, on se fera demain. C'est compris ça ? C'est simple, c'est clair, c'est wadih. Tamam. Wadih, ya Bamahdi. Tamam. Fa'ilahuna, walhamdulillah, rabbil alamin.